femelle est... Là, c'est une femelle, là, qui est toujours là. Qu'il y a beaucoup plus de trucs qui sont juste... Ils m'en rappellent de leur ventilateur. C'est pas bien.